Toujours à l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, l'association d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen, le cercle d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, le cercle d'études des idées du Juche de la province de Umpumalangan, le cercle d'études des idées progressistes de l'Afrique du Sud ont publié en commun une déclaration. La déclaration indique: le triomphe miraculeux par la République populaire démocratique de Corée des États-Unis, qui se vantait d'être les plus puissants du monde, est dû aux théories militaires et stratégies et tactiques éminentes du président Kim Il-sung, héros légendaire et grand homme politique. Les exploits du président Kim Il-sung accomplis pour la victoire dans la guerre continuent brillamment grâce au camarade Kim Jong-un. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a renforcé la Corée en pays possesseur des armes nucléaires, pays fabricant et lanceur du satellite artificiel, ainsi que pays possesseur de l'engin balistique du sous-marin stratégique, voire en pays possesseur du missile balistique intercontinental.